Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, la voix de l'hiver. La voix de l'hiver. 150 citoyens ont été tirés au sort pour former la première convention citoyenne pour la transition écologique. Alors ils ont 6 mois pour faire des propositions qui vont permettre à la France de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est l'occasion pour nous d'aborder l'histoire du tirage au sort, une solution qui a le vent en poupe pour pallier la crise politique du moment. Le thème du tirage au sort s'est installé dans les débats sur le mode de la désignation de nos représentants politiques jugés, vous l'avez constaté, défaillants. Mais est-ce la solution pour sortir de la crise de la démocratie si crise il y a ? L'Islande et l'Irlande l'ont utilisé récemment et le tirage au sort fait l'objet de nombreuses recherches et réflexions depuis une vingtaine d'années. Olivier Christin, Olivier Lamont et Jérémy Ferrer-Bartomeu ont dirigé un dossier des mélanges de la Casa Velasquez pour tenter de faire un bilan d'étape sur le sujet. Passé refoulé ou avenir désirable, le tirage au sort en politique. Olivier Christin, historien du vote, y rappelle que parmi toutes les références à l'histoire convoquée par ses défenseurs, il y a parfois malentendus. Notamment dans la lecture des écrits de Montesquieu, considéré comme le grand défenseur du tirage au sort par ses partisans actuels. Si le tirage au sort se pratique à l'époque moderne, son usage n'a pas pour objectif d'introduire davantage de démocratie, mais de distribuer le pouvoir entre égaux au sein d'une élite. C'est un outil du bon fonctionnement oligarchique, de partage du pouvoir entre ceux qui le détiennent déjà, et non un instrument de recomposition de la classe dirigeante. Décidément, il n'y a pas de solution simple au renouvellement des institutions aujourd'hui. Non, parce que le tirage au sort posera d'autres problèmes. Ça peut être un outil, il peut être très intéressant, il peut avoir des effets, mais ça ne sera pas l'outil magique qui résoudra, par exemple, la question des mœurs politiques, la question de la corruption. Elle ne rendra pas subitement les hommes meilleurs. Pas de remède miraculeux donc au mot de la démocratie, car s'il est une dimension inhérente à ce régime politique, c'est bien la possibilité du débat, de la contestation, de la liberté de remettre en cause, qui n'est pas forcément synonyme de crise, mais peut-être bien du bon fonctionnement démocratique. Antoine Chollet, historien des régimes politiques et de l'expérience du tirage au sort en Suisse, souligne l'importance de prendre connaissance des expériences passées du tirage au sort. Vouloir expulser la conflictualité au sein des sociétés régies par la démocratie nie, dans une certaine mesure, la nature même de cette démocratie. Par rapport aux utilisations des travaux sur le tirage au sort, la chose qui me semble la plus importante, c'est de ne pas passer par le tirage au sort pour évacuer la conflictualité sociale. Parce que les conflits dans la société, dans toute société, et a priori, enfin, plus forte raison dans une société démocratique, les conflits sont nécessaires. C'est ça qui rend ou qui maintient la démocratie vivante. Ou pour le dire comme Machiavel, les tumultes entre la plèbe et le Sénat, ou les grands à Rome, étaient la garantie de la liberté et non pas la menace contre la liberté. Si la pratique du tirage au sort a disparu au XIXe siècle, balayée par l'idéal de l'élection au suffrage universel, la réinvention de son usage aujourd'hui pourrait s'avérer intéressante, avec quelques précautions cependant. Pour contribuer au débat démocratique, ce numéro des mélanges de la Casa Velasquez est d'ores et déjà accessible en ligne avec les vidéos dont vous venez d'entendre quelques extraits. Chouette ! Eh bien, tous les liens sont à retrouver avec les informations sur la page de Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr ou bien sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.